Chapitre 3. Sphérgraph. Joyau, affinant la perception des spires. Une sphérgraph tzlich est réglée sur les ondes mentales propres aux guerriers lézards. Un alavirien est incapable de la toucher volontairement, et si un contact a lieu contre sa volonté, il peut créer des troubles psychiques très importants, voire causer la mort. Encyclopédie du savoir et du pouvoir. Le soleil se couchait lorsqu'Edwin donna le signal de la halte. Ils semblaient beaucoup plus détendus depuis leur rencontre avec la garde impériale et le camp fut dressé dans la bonne humeur générale. Ils repartirent tôt le lendemain matin pour profiter de la fraîcheur. Shyamvit avait pris son parti de sa mésaventure et se révéla un agréable compagnon, plein d'humour. Il les régala de savoureuses histoires dans lesquelles il ne manquait pas de railler la prétention des humains, selon lui très dominant de leur race. Il avait toutefois suffisamment de finesse pour que personne ne se vexe. De longs tronçons de pistes étaient maintenant pavés de dalles rosées, dures et lisses, et leur progression en fut facilitée. La nuit suivante, Edwin ayant décidé de faire une pause dans une auberge, ils dormirent dans des lits, au soulagement général. Camille soupira d'aise en s'allongeant sur son matelas. Elana, qui partageait sa chambre, sourit. « J'ai souvent rêvé d'emporter un lit avec moi en voyage, » avoua-t-elle. « Mais Murmure n'a jamais été d'accord pour le porter. » Edwin les laissa dormir tout leur saoul. Quand ils reprirent la route, la chaleur déjà accablante ne parvint pas à ternir le bien-être qu'avait apporté une bonne nuit de sommeil. En fin de journée, ils parvinrent sur les rives du fleuve Polymage. Camille, qui chevauchait en tête à côté d'Edwin, crut tout d'abord que c'était l'océan. Une immensité d'eau fuyant jusqu'à l'horizon. Un monde bleu et mouvant sur lequel se découpaient des voiles, blanches pour la plupart. Puis, elle discerna un relief à la limite de son champ de vision. Le Polymage était bien un fleuve, aussi large que quatre Amazones placées côte à côte. Elle ouvrait la bouche pour crier son émerveillement lorsqu'elle le découvrit. Elle resta muette. Le pont s'envolait vers le ciel en une courbe gracieuse et puissante à la fois. Il scintillait comme s'il était de lumière et non de matière, et juste avant de toucher les étoiles, redescendait à des kilomètres de là sur l'autre rive. Ses proportions tenaient du miracle, comme la facilité avec laquelle il se jouait de l'apesanteur. C'était une merveille de pureté et de perfection. Des larmes montèrent aux yeux de Camille. « Qu'est-ce que c'est ?» réussit-elle à dire. « L'arche, » répondit simplement Edwin. Il s'était arrêté au sommet d'une éminence pour profiter du spectacle, et Camille mit pied à terre. Elle avança de quelques pas et sentit, plus qu'elle ne vit, Salim se placer près d'elle. Les autres, pour ne pas troubler ce moment magique, étaient restés un peu en arrière, silencieux. Éperdue d'admiration, Salim essayait en vain d'imaginer comment des hommes avaient pu réaliser un tel chef-d'œuvre. Camille, elle, ne réfléchissait pas. Son cœur et son âme s'envolaient vers l'infini, portés par la courbe de l'arche. En même temps, une boule se noua au creux de son ventre, comme si tout son être se déchirait. Dans son dos, le soleil commença à basculer derrière l'horizon et elle comprit pourquoi Edwin avait retardé le départ du matin. Il souhaitait qu'ils arrivent en ce lieu à ce moment précis de la journée. Le ciel se teinta d'or et de sang, et l'arche explosa. Les cristaux qui semblaient la constituer captèrent une nuance différente dans la palette qu'offrait le soleil couchant. Ils amplifièrent ses couleurs, les dispersant dans toutes les directions, et l'arche devint le centre d'un univers de lumière. Les larmes coulèrent sur les joues de Camille, impossible à arrêter, tandis que la boule dans son ventre se dissolvait, emportée par une vague de joie. Et le chuchoteur fut là, niché au creux de son cou. Il n'eut pas besoin de délivrer de message. Camille avait compris. Son bonheur était complet. Elle resta immobile à contempler l'arche jusqu'à ce que le soleil se soit couché et la nuit installée. Le spectacle demeura féerique. Le pont avait pris une couleur argentée et scintillait doucement dans l'obscurité. Impossible de savoir s'il irradiait sa propre lumière ou s'il diffractait celle des étoiles. Salim avait rejoint les autres et le camp était monté. À regret, elle se détourna. Maître Douhomme vint à sa rencontre. La première vision de l'arche, murmura-t-il, est toujours un moment exceptionnel. Camille hocha la tête. Elle ne trouvait pas de mots pour décrire ce qu'elle ressentait. Comme s'il l'avait deviné, Maître Douhomme reprit la parole. L'arche, tu l'auras perçue, n'a pas été bâtie mais dessinée. Je croyais qu'il ne fallait pas faire de dessin permanent. Le vieil homme sourit. C'est vrai. Toutefois, il y a 1500 ans, lorsque les hommes se sont libérés du joug Slich, ils ont fêté la victoire en créant l'arche et la majeure partie d'Al-Jet. À circonstances exceptionnelles, action exceptionnelle. Je serais incapable d'imaginer quelque chose d'aussi beau. Tous les dessinateurs de Gwendalavir ont uni leurs dons pour cette création, Iwilan. Ils ont été guidés par le plus grand. Merwin Rilavalon ? Oui. C'est lui qui a brisé le verrou que les Tzlich avaient placé dans les spires. C'est également lui qui, le premier, a fait un pas sur le côté et a gagné l'autre monde, celui où tu étais exilé. Merwin, ce nom parle à ma mémoire, murmura Camille en caressant le chuchoteur toujours niché sur son épaule. Maître Douhomme fronça les sourcils en apercevant la bestiole. Ton ami est revenu, remarqua-t-il. Oui, pendant que je contemplais l'arche, je savais que nous nous retrouverions. Il a vraiment un comportement insolite, commenta l'analyste. Allons retrouver les autres maintenant, poursuivit-il en désignant le camp du menton. D'accord, mais avant juste une question. De quoi est constituée l'arche ? Le vieillard sourit. Nul ne le sait. Elle a été dessinée pour être inusable, indestructible, et personne n'a jamais pu en prélever un fragment pour l'étudier. Il est toutefois probable qu'elle soit en diamant. Un seul et unique diamant, pesant des millions de tonnes et long de plusieurs kilomètres. Le repas se déroula dans le calme. La présence de l'arche, illuminant la nuit, avait un effet apaisant, même sur le caractère bouillonnant de Salim, qui ne prononça pas plus de 10 mots de la soirée. Camille s'endormit en caressant le chuchoteur. Au matin, la troupe descendit vers le polymage. Plus Camille se rapprochait de l'arche, plus elle se sentait écrasée par sa majesté. La route passe dessus ? Demanda-t-elle à Edwin. Oui, répondit le maître d'armes. L'arche est un objet d'art, mais c'est aussi un pont. Ce doit être horriblement glissant. Non, pas du tout. Le problème est ailleurs. Ceux qui ont dessiné l'arche n'ont pas créé de parapet. Il est donc conseillé de la traverser au centre. Il doit y avoir des accidents. Il y en a, c'est vrai. Mais moins que tu ne peux le croire. Elle est large de plus de 50 mètres, les risques sont donc minimes. Camille ne parut pas vraiment rassurée, mais se tut. Au bord du polymage, près de l'ancrage du pont, se dressait un village coquet aux maisons soigneusement décorées. Kazan, le village des attrape-benêts, commenta Bjorn. C'est comme si la réalité de la guerre n'était pas arrivée jusqu'ici. Seul compte les affaires. La moitié des habitants exercent le métier d'aubergiste, l'autre moitié vend des souvenirs. Avec le prix d'un repas, tu t'offres une nuit dans un palace à Al-Jet. Ne me dis pas, railla Salim, qu'on peut acheter des boules de verre avec une arche miniature à l'intérieur sur laquelle tombent des flocons de neige quand on la retourne. Bien sûr que si, et aussi des tuniques brodées d'inscriptions du genre « Souvenir de l'arche ». C'est affreux à en mourir, et en plus, ça coûte une fortune. Salim éclata de rire. Bjorn, ça me rassure. Quel que soit le monde où il se trouve, les hommes restent les hommes. La fréquentation de Camille a beau affiner tes pensées, tu as encore des difficultés à t'exprimer clairement, déclara Bjorn en se grattant la tête. Je crains ne pas avoir saisi le sens de ta maxime. C'est bon, Bjorn, oublie, j'ai rien dit. Bien qu'il soit tôt, de nombreuses personnes déambulaient dans les rues fleuries de Kazan. Shyamvit considérait cette animation avec un sourire ironique. Il paraissait se moquer perdument des regards étonnés que lui jetaient les passants. Il intercepta toutefois la question silencieuse que lui posait Camille et s'approcha d'elle. Les Faëls avoir voyagé dans tout Gwendalavir et la plupart des humains avoir déjà croisé l'un d'entre nous, mais n'y pas être encore accoutumé. J'avoir l'habitude d'être regardé comme un phénomène, ce qui me surprendre davantage, ce être que tes compagnons m'acceptaient sans aucune difficulté. Je te trouve peu différent de nous pourtant. Détrompez-toi. Il y a avoir un monde entre les humains et les Faëls. Nos corps avoir des ressemblances, mais nos esprits être dissemblables. Totalement. Nous ne pas raisonner de la même manière. De près, l'arche était monumentale. Aussi large qu'Edwin l'avait annoncé et parfaitement lisse. Elle s'élançait en pente douce vers les nuages. Elle semblait réellement faite de diamants et lorsque les chevaux s'y engagèrent, leurs sabots sonnant clairement, Camille vit la couleur bleue du polymage se refléter à travers son épaisseur. « Nous avons de la chance, » remarqua Bjorn. « Il y a parfois tant de monde sur l'arche que les gens se bousculent et que certains finissent dans l'eau quelques centaines de mètres plus bas. Qu'ils finissent tout court, en fait. » « Ne l'écoutez pas, » conseilla Maniel. « Cet homme est prêt à inventer n'importe quoi pour se rendre intéressant. » Lorsque, une heure plus tard, ils parvinrent au sommet de l'arche, Edwin leva la main et Salim arrêta l'attelage. « Venez voir !» proposa le maître d'armes. « Cela en vaut la peine !» Camille et Salim le rejoignirent en marchant prudemment et se tinrent à ses côtés, au bord du vide. La vue était magique. Les bateaux qui naviguaient sur le polymage paraissaient insignifiants. Mais le fleuve conservait, même de si haut, toute sa puissance et sa majesté. Le vent soufflait fort à cette altitude et Camille se cramponna à Salim. « Du calme, ma vieille !» railla ce dernier. « C'est pas parce que j'ai le cerveau lent que tu peux compter sur moi pour t'envoler !» La remarque tira un sourire à son ami. Les moments de gaieté qu'elle avait l'habitude de partager avec Salim lui manquaient. Et elle se promit de faire en sorte de les retrouver. La descente de l'arche fut rapide et la troupe gagna un village ressemblant à s'y méprendre à Kazan. Ils le traversèrent sans ralentir. Tant que ce fut possible, Camille se tourna sur sa selle pour voir l'arche puis, lorsque celle-ci eut disparu définitivement, elle se concentra sur la route en se rappelant ce que lui avait raconté Maître Duhaume. Merwin Rhys-Lavallon et les dessinateurs de Gwendalavir avaient imaginé l'arche, mais aussi la majeure partie d'Al'jet. Quelle merveille leur réservait la capitale!